des messages par le biais de radio-télescope. Un miroir sphérique au confluent des écrits. La métamélisation expliquait le démantèlement de position des bulles caverneuses se disposaient au bien fondé de la matière. La capitation n'est-elle pas digérée par d'autres termes évangéliques, microbes logés dans les cabestons, cassés la chérivoine de son jus, séchant les verrues. Intercepteur, sans prendre la vie de tout temps, spoliant l'ambassade de ce tir involontaire. Ce ne fut ni de usionné, ni de fresque, je ne suis d'étoile. Subtil, pourrais-je l'accomplir?